de le laisser gouverner son royaume d'Aquitaine. Dès lors, de 629 à 632, Dagobert est roi de la Neustrie, de la Burgondie et de l'Austrasie. Charibert II n'est roi que de l'Aquitaine. Ce dernier est assassiné en 632 par des membres de sa cour qui sont partisans de Dagobert. Son fils Childebert est immédiatement tué. Malgré tout, les rois d'Aragon ont toujours prétendu que pour se rattacher aux Mérovingiens d'Aquitaine, que Charibert avait eu un enfant avec une autre de ses femmes et dont ils étaient les descendants. Mais on pense malheureusement que Charibert est mort sans descendance puisque son fils a été tué par Dagobert. Alors Dagobert, d'ailleurs, dans ce crime, dans ce fratricide, ne montre aucune pitié. Il est probable d'ailleurs que c'est lui qui a commandité le crime. Il est aussi probable que c'est lui qui est à l'origine de la fausse accusation d'adultère, enfin malheureusement de la vraie accusation d'adultère contre Silchide, qui a poussé Clotaire à mettre à mort sa femme en 626. Pour Dagobert donc, la mort de Charibert est la mort d'un roi illégitime, puisque né d'un adultère. À la mort de son père, Dagobert nomme son premier fils Sigebert, roi d'Austrasie, à la demande des grands et de l'église austrasienne, selon une tradition bien établie. L'enfant a à peine 3 ans, et il est le fils de Ragnétrude, une Austrasienne de bonne famille, que le roi aurait rencontré lors d'une tournée dans son royaume d'Austrasie. En nommant un fils issu d'une union illégitime, lui qui a toujours refusé de reconnaître un quelconque droit à régner à son demi-frère Charibert parce que issu d'une union illégitime lui-même, Dagobert manifeste par là peut-être, et même je dirais sûrement, un certain mépris à l'égard de ce particularisme austrasien qui commence à lui courir sur le haricot. C'est peut-être pour parer à cette interprétation d'ailleurs que c'est forgé et que c'est popularisé dans le milieu austrasien. La légende du baptême miraculeux de Sigebert. Alors que l'enfant d'à peine 4 mois est baptisé dans la cathédrale de Metz, l'évêque, après avoir prononcé la formule sacramentelle, attend de l'assistance qu'elle réponde « Amen ». Mais personne ne prononce le mot. Peut-être embarrassé à l'idée de reconnaître ainsi la légitimité de cet enfant né hors mariage. C'est alors que l'enfant répond « Amen ». Sigebert mourra d'ailleurs en odeur de sainteté, malgré l'absence de procès en canonisation. Merci. À bientôt. Nous continuerons lors du prochain podcast.